Chapitre 6e. Adieu. C'était le dernier jour qu'il devait passer à Hailstone. La maison était encombrée de caisses. La pelouse qui longeait le presbytère était jonchée de paille que le vent avait fait voler par les portes et les fenêtres. Les chambres démeublées avaient d'étranges échos et la lumière y pénétrait durement par les croisées dépouillées de leurs draperies. Le cabinet de toilette de Mrs. Hale était resté le dernier endroit auquel on n'eût pas touché. Là, Dixon et sa maîtresse empaquetaient du linge et des habits, s'interrompant de temps à autre pour laisser tomber un regard plein d'amour, accompagné d'exclamations plaintives sur quelques trésors oubliés, quelques brassières ayant appartenu aux enfants, précieuses reliques de leur âge. Au rez-de-chaussée, Marguerite, pâle et recueillie, dirigeait avec calme les hommes qui étaient venus aider la cuisinière et la fille de service. Les deux pauvres créatures pleuraient dès qu'elles avaient un instant de répit. Elle s'étonnait de voir que Miss Marguerite avait les yeux secs à la veille de partir, et décidait entre elles que, probablement, leur jeune maîtresse ne regrettait pas beaucoup Hailstone, ayant vécu presque toujours à Londres. Elle ne savait pas que son cœur était oppressé par un poids que nul soupir ne pouvait diminuer, et qu'elle aurait pleuré de douleur sans la nécessité où elle était de conserver son sang-froid et de veiller à tout ce qu'on faisait autour d'elle. Que serait-il arrivé si elle se fût abandonnée à son chagrin? Son père était la plupart du temps dans la sacristie où il examinait les papiers et les registres de l'église avec le clerc de la paroisse, et lorsqu'il rentrait, c'était pour emballer ses livres, besogne que lui seul pouvait faire à sa propre satisfaction. D'ailleurs, Marguerite n'était pas d'une nature à épancher sa douleur devant des étrangers, pas même en présence des deux servantes qui lui étaient dévouées. Lorsque les quatre emballeurs furent allés prendre le thé dans la cuisine, la jeune fille traversa lentement la salle où elle était depuis le matin et se trouva dans le salon démeublé et sonore. C'était vers le soir, et dans les premiers jours de novembre. Le crépuscule couvrait d'un voile transparent les objets d'alentour, que les derniers rayons du soleil nuançaient d'une teinte violacée. Un rouge-gorge chantait. Peut-être, pensa Marguerite, celui dont son père lui avait parlé tant de fois, et pour lequel il avait construit, de ses propres mains, une maisonnette à côté de la fenêtre de son cabinet. Les feuilles, plus éclatantes que jamais, tomberaient aux premières atteintes de l'hiver. Déjà, quelques-unes se détachaient de la branche, lames de pourpre et d'or qui flottaient lentement sous les derniers rayons du jour. Marguerite se dirigea vers la terrasse qu'abritait le mur aux espaliers. Elle n'y était pas retournée depuis la promenade qu'elle y avait faite avec Henry Lennox. C'était auprès de cette planche de thym qu'il avait commencé à lui parler de son amour. Ses yeux s'étaient fixés sur cette rose tardive lorsqu'elle avait essayé de lui répondre, et en terminant sa dernière phrase, elle avait remarqué les fines découpures du feuillage des carottes. 15 jours à peine s'étaient écoulés depuis lors, et quel changement dans son existence. Que faisait Mr. Lennox? Il était à Londres, où il menait la même vie qu'autrefois. Il allait dîner chez les personnes qu'elle avait vues dans Harley Street ou avec de joyeux camarades, tandis qu'elle se promenait tristement dans ce jardin sombre et humide, où chaque rose se flétrissait autour d'elle et tombait pour mourir. Il enfermait gaiement ses livres de droit, satisfait de sa journée, et allait prendre l'air du jardin au temple, d'où le bourdonnement confus et puissant d'un million d'hommes arrivait à son oreille, et d'où il apercevait, à l'angle des allées les lumières de la grande ville, que lui renvoyaient les profondeurs du fleuve. Il lui avait souvent parlé de ces promenades précipitées qu'il saisissait avidement entre l'heure du travail et celle de son dîner. C'était dans ses meilleurs moments qu'il l'en avait entretenu, et la peinture qu'il lui en avait faite avait frappé l'imagination de la jeune fille. Ici, tout était silencieux. La voix du rouge-gorge n'avait pas tardé à s'éteindre dans le calme profond de la nuit. De temps en temps, la porte d'un cottage éloigné s'ouvrait et se fermait pour admettre au foyer domestique un travailleur fatigué. Plus près d'elle, un bruit furtif, glissant au milieu des feuilles sèches de la forêt, lui annonçait un braconnier. Souvent, lorsqu'elle était assise à la fenêtre de sa chambre, ayant soufflé sa lumière pour mieux jouir de la beauté des cieux, elle avait vu les braconniers franchir légèrement la palissade du jardin et traverser d'un pas rapide la clairière couverte de rosée, pour disparaître au milieu des grands arbres. La liberté sauvage de leur vie aventureuse s'emparait alors de son esprit. Elle leur souhaitait bonne chance et jamais il ne l'avait effrayée, mais ce soir elle avait peur et ne savait pas pourquoi. Elle entendit la servante fermer les volets et verrouiller la porte, sans se douter qu'en ce moment quelqu'un fût dans le jardin. Une branche, peut-être de bois mort, peut-être brisée de vive force, tomba lourdement sur le sol. Marguerite s'enfuit et frappa au contrevent de manière à effrayer Charlotte à son tour. « Ouvrez » criait-elle. « Ouvrez, c'est moi !» Et son cœur ne calma ses battements que lorsqu'elle se vit saine et sauve entre les murailles bien connues du salon. Elle s'était assise sur une caisse. La pièce était froide et sombre, pas de feu, pas d'autre lumière que la chandelle fumeuse de la servante. Charlotte regardait sa jeune maîtresse avec surprise. Marguerite s'aperçut qu'elle était observée, et quittant la caisse où elle était assise, elle dit en souriant « J'ai eu peur de passer la nuit dehors. Vous n'auriez pas pu m'entendre de la cuisine, et la porte qui communique du jardin au cimetière est condamnée depuis longtemps. Oh, miss, nous ne serions bientôt aperçus que vous n'étiez pas à la maison. Nous aurions eu besoin de vous pour savoir ce qu'il y avait à faire. Quant à moi, j'ai servi le thé dans le cabinet de monsieur, comme étant la pièce la plus confortable qui vous reste à présent. » « Merci, Charlotte. Vous êtes une bonne fille. Je regrette de vous quitter. Écrivez-moi. Je serai toujours heureuse de vous être utile, d'une façon ou de l'autre, si la chose m'est possible. J'aurai d'ailleurs grand plaisir à recevoir des nouvelles de Helstone. Je vous enverrai mon adresse dès que je la connaîtrai. » Il y avait un bon feu dans le cabinet de Mr. Hale. Les chandelles étaient sur la table. Il ne restait plus qu'à les allumer. Marguerite s'assit par terre sur le tapis du foyer afin de se réchauffer, car l'humidité du soir, jointe à la fatigue, l'avait complètement entransie. Elle croisa les mains autour de ses genoux et sa tête s'inclina sur sa poitrine. Quelle que fût sa disposition d'esprit, son attitude était celle de l'abattement. Mais lorsqu'elle entendit les pas de son père sur le sable de l'allée, elle se releva d'un bond, rejeta en arrière ses cheveux noirs, et essuyant les larmes qui avaient mouillé ses joues sans qu'elle en eût conscience, elle sortit pour lui ouvrir la porte. Mr. Hale paraissait beaucoup plus abattu que sa fille. À peine si Marguerite put lui arracher quelques paroles, malgré tous les efforts qu'elle fit pour engager la conversation. « Avez-vous fait une longue promenade ?» lui demanda-t-elle en voyant qu'il refusait de manger quoi que ce fût. « Jusqu'au hêtre de Fordham, » répondit-il. « Je suis allé chez la veuve Maltby. Elle est désolée de n'avoir pas pu te faire ses adieux. Elle m'a dit que la petite Suzanne n'avait pas quitté le haut de la clairière depuis plusieurs jours, espérant qu'elle te verrait. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ?» L'attente de cette pauvre petite, continuellement déçue, était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et Marguerite sanglotait comme si son cœur allait se rompre. Mr. Hale, horriblement troublé, se leva et parcourut la chambre avec agitation. « C'est affreux, » murmura-t-il. « Je ne peux pas voir souffrir les autres. Oh, s'il y avait moyen de me rétracter !»« Non, mon père, » dit Marguerite d'une voix ferme et en le regardant en face. « Il est pénible de vous croire dans l'erreur. Il le serait bien plus encore de vous savoir hypocrite. » Elle baissa la voix en proférant ces paroles, toute confuse d'associer l'idée d'hypocrisie aux actes de son père. « Ce n'est qu'un peu de fatigue. » « Ne croyez pas que je souffre de ce que vous avez fait, et n'en parlons plus, » ajouta-t-elle en sentant ses larmes couler en dépit de ses efforts. « Je vais porter cette tasse de thé à ma mère. Elle a pris le sien de très bonne heure et je suis sûr qu'elle sera bien aise d'en reprendre un peu maintenant. » L'heure inexorable du chemin de fer les arracha le lendemain matin de leur retraite bien-aimée. Ils avaient aperçu pour la dernière fois la maison basse et allongée du presbytère, à demi caché par les roses de Chine et les buissons ardents, et dont le soleil levant faisait scintiller les fenêtres, qui plus que jamais semblaient leur appartenir. Marguerite éprouva le besoin de jeter un dernier regard sur la vieille tour de l'église, qui, de l'endroit où ils allaient arriver, dominait la cime des arbres. Mais comprenant que la même pensée était venue à son père, et qu'il avait plus de droit qu'elle au seul carreau de la voiture qui permit de jouir de cette vue, elle se rejeta au fond de la banquette, et ses larmes, un instant suspendues à ses longs cils, tombèrent sur ses vêtements sans qu'elle songeât à essuyer ses yeux. Il devait passer la nuit à Londres, dans un hôtel tranquille. La pauvre Mrs. Hale avait pleuré toute la journée. Quant au chagrin de Dixon, Il s'était traduit par une humeur massacrante et par le soin qu'elle avait pris de retenir les plis de sa robe pour éviter le moindre contact avec Mr. Hale, coupable auteur de tous les maux de la famille. Ils traversèrent les quartiers que Marguerite avait parcourus si longtemps. Ils passèrent devant les maisons où elle avait fait de nombreuses visites, et devant les boutiques où elle avait tant de fois attendu avec impatience que sa tante eût fini quelque affaire interminable. Ils rencontrèrent même des personnes qu'elle connaissait, car en dépit des longues heures qui pour eux avaient rempli cette journée, l'instant du repos était loin d'être arrivé, et c'était le moment le plus animé du jour. Il y avait bien des années que Mrs. Hale n'avait pas mis les pieds à Londres. Comme un enfant, elle sortit de sa langueur pour regarder autour d'elle. « Oh, voilà le magasin de Harrison où j'ai acheté toutes mes affaires de noces !» s'écriait-elle. « Mon Dieu, qu'il est changé ! Quels grands carreaux aux fenêtres ! Plus grands que ceux de Cramford à Southampton ! Et, mais non, je me trompe ! Si, c'est bien lui, Marguerite ! Mr. Lennox vient de passer auprès de nous ! Où peut-il aller ? Que peut-il faire au milieu de toutes ces boutiques ?» Marguerite fit quelques pas vers lui et s'arrêta bientôt en souriant de l'impulsion qui l'avait entraînée. Mais il lui apparaissait comme un souvenir de Helstone. Il demeurait associé dans son esprit à une journée qu'elle n'oublierait jamais, et l'aurait aimé à le voir sans lui parler, sans qu'il l'eût aperçu. La soirée, passée à rien faire dans l'une des chambres hautes d'un hôtel, fut longue et pénible. Mr. Hale était sorti pour aller voir son libraire et d'anciens camarades. Tous ceux qu'ils avaient rencontrés dans les rues ou dans l'hôtel semblaient pressés d'arriver à quelque rendez-vous. Tout le monde attendait quelqu'un ou était attendu. Elle seule paraissait n'avoir pas d'amis, pas d'affaires, et se trouvait dans l'isolement et la désolation. Marguerite connaissait pourtant dans la rue voisine des personnes qui autrefois les auraient accueillies avec plaisir, mais aujourd'hui, inquiète et malheureuse, elle n'aurait trouvé que de froids visages dans ces maisons où elles avaient de simples connaissances, et non des amis. La vie de Londres est trop remplie, trop dévorante, pour laisser même une heure à consacrer aux sentiments profonds que montrèrent les amis de Job quand ils vinrent s'asseoir auprès de lui pendant 7 jours et 7 nuits, et que pas un d'eux ne lui adressa la parole, car il voyait que son chagrin était trop grand pour qu'il pût être consolé.